Je vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique salon de la passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le salon de la passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical, animation. Alors, un bon deux heures de bon rock progressif. On a quelques nouveautés pour vous. On a pas mal de bonne musique. On revient encore énergisé de notre fin de semaine de festival Terra Incognita. Là, ça a été vraiment super bien. Et on a eu la chance ailleurs à Terra Incognita de rencontrer les gars de Inner Odyssey qu'on a eu en entrevue il y a deux semaines avec leur nouvel album Ascension. Et on pouvait se procurer l'album donc la semaine dernière. L'album, à partir d'aujourd'hui, était disponible en format numérique sur leur le Bandcamp, là, c'est Inner Odyssey, tout d'un mot, .bandcamp.com. Il y a moyen d'aller le trouver à 10$ en format numérique. Et vous pourrez vous procurer l'album lors de leur lancement. C'est bientôt le 16 juin au Cercle, en formule 5 à 7. Alors là, il y aura le lancement. Il y a une prestation et ça coûte 5$. Et vous pourrez vous procurer évidemment l'album. Alors, Inner Odyssey, on aura d'ailleurs en exclusivité encore à Terra Incognita deux pièces qui sont pas encore parues là, officiellement, là, que les gens n'ont pas pu entendre encore, Something More et World of Your Own. Alors, on va débuter l'émission avec ces deux extraits du nouvel album de Inner Odyssey intitulé Ascension. Et on va poursuivre avec la nouveauté de Tichada. Tichada, c'est un groupe de la Grèce, c'est leur second album. Et il s'intitule The Finest of Miracles. Alors on aura une pièce sur cet album-là. Et ensuite, il y aura Stephen Wilson également. Stephen Wilson qui vient ici en spectacle le 29 juin à l'Impérial, tiré de Hand Cannot Erase, Stephen Wilson. Mais on débute d'abord avec Inner Odyssey. We'll be right back. Of the infinity that stretches on. faces she's left behind her, with all memories faded in the dark. And the silent arts of knowledge put the spell on those who have the mark. Remember just before the fall.

Steven Wilson sur les ondes de CKRL. Alors, c'est tiré de son plus récent album Hand Cannot Erase, la pièce Three Years Older. Steven Wilson qui sera en spectacle à Québec le 29 juin à l'Impérial. Juste avant, on a entendu Tuchada, c'est de la Grèce. C'est leur plus récent album intitulé The Finest of Miracles. Comme vous avez vu, il y a des éléments médiévaux, il y a des éléments très rock, beaucoup d'orchestration. Là, c'est un très très bon disque. Là. C'est mon coup de cœur là, des deux dernières semaines. On a écouté la pièce Eternal et on avait débuté avec Inner Odyssey et Ascension, les pièces Something More et A World of My Own. Alors on pourra les voir en spectacle au lancement de cet album-là, comme je le disais en début d'émission, le 16 juin au Cercle dans une formule 5 à 7. Alors parlant de ça, il y a un nouveau magazine Terra Incognita, numéro 42. On parle dans ça de Abel Gans, Defense of Scotland. Là, à ceux qui étaient à la convention, je pense que vous avez découvert un groupe. Hein, moi, je ne les connaissais pas vraiment. Puis c'est vraiment, ça nous a surpris. C'est très bon, très bon. Frog Café également, qu'on a pu voir à la convention. D'un côté jazz, mais aussi prog. D'excellents musiciens. On a, comme d'habitude, des chroniques de disques. Je vous invite à vous le procurer, le nouveau magazine Terra Incognita. Il y a également le nouveau magazine du Belge Prog Resist, nouveau numéro, le 80. Et sur ça, il y a deux compilations. Cette fois-ci, une compilation qui soulignait le festival Prog Resist qui a eu lieu à la fin avril. Et également une autre compilation, là, Les Indispensables. On aura d'ailleurs une pièce qui paraît sur Les Indispensables et qui est sur du groupe Juke, groupe français. On aura ça un peu plus tard dans l'émission. Comme d'habitude, pas mal de chroniques. Alors, on aura une pièce autour de ça. Il va aller en musique là, avec un groupe du Québec, de Rimouski, un groupe qui sera au festival d'été en formule à l'intérieur, là, au Petit Impérial, le 18 juillet. Donc Écuse ou Écuse, qui signifie Earthquake Under Subtle Elements. Et c'est le titre de leur premier album. On aura une pièce de cet album-là, donc Ecuse, qu'on pourra découvrir. Là. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner en spectacle. Ils ont deux disques à leur actif et ils travaillent sur un nouveau disque là, qui devrait paraître à l'automne. Alors, on y va avec la pièce Ghost de Ecuse. Qu'est-ce qu'on aura après ça? On aura Birdfish du plus récent album Plus 4626 Comfort Zone, l'excellente pièce If We Must Be Apart. Et on terminera ça avec un groupe belge, Hypnos 69. C'est un groupe qui a réalisé 6 albums dans les années 2000. C'est leur plus récent, réalisé en 2010, Legacy, un album au saveur 70, avec une excellente pièce qui rappellera le King Crimson qu'on pourra voir, je vous en parle un peu plus tard dans l'émission, le King Crimson qu'on pourra voir à Québec là, cet automne, puisqu'il y a Mel Collins dans ça, au saxophone. Et c'est la pièce Anarial Architect de Hypnos 69 qui terminera ce bloc. On y va donc avec Ecuse, ensuite Belfish et Hypnos 69 sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. Since I was gone, I've been following you. Try to rebuild while I

waste of time. I might as well end it

tout de suite en musique d'abord. Et je vous parlais de King Crimson. Ils sont en spectacle au Palais Montcalm les 13 et 14 novembre. Les billets sont en vente. Il y aura également le groupe, cet automne, le groupe Three Friends, le 2 octobre. C'est également au Palais Montcalm. Mais ça a été annoncé, pas encore officiellement, sur le site du Palais Montcalm, mais PFM, le groupe italien PFM, qui viendra pour la tournée 40e anniversaire le 21 novembre au Palais Montcalm. Ça sera annoncé bientôt. Il y a d'autres rumeurs de spectacles qui s'en viennent aussi, qui vont être annoncés pour l'automne. Alors, gardez vos sous pour tout ça. On y va en musique tout de suite avec Hypnose 69, également Duke et Cast. We'll be right back. Yeah.

keiner steht. Bleibe hier, bleibe hier, halte noch aus. Bleibe hier, bleibe hier, ist noch nichts verloren. Bleibe hier, es wird bald anders sein. Bleibe hier. Thank you. Avez-vous reconnu David Jackson qui jouait dans Vandergraaf Generator? Et donc, c'est une pièce qu'il a composée avec Vincenzo Ricco, celui qui a réalisé The Rome Project. Et c'est la pièce Mankind Heritage. Il y a sur ça Frank Carducci également qui fait la basse. Il y a d'excellentes pièces sur ça avec Steve Hackett, avec Richard Sinclair, David Cross. Alors, un bel album de Rome Project. Juste avant, c'était le groupe allemand Tromhaus et de l'album Ju Under I Saite. Et c'était la pièce Bibeheir. Et on avait eu Cast que j'avais présenté de Art et la pièce The Rescue. C'était la section Less Complicated The Rescue. Alors, on va terminer l'émission avec Kaipa. Kaipa, qui est un groupe qui a débuté en 1975. Et ici, ce sera leur second disque, Inget Nit Undersolen, qui signifie Rien de nouveau sous le soleil. Et on ira avec la première pièce qui a été interprétée, première pièce du spectacle là, à la convention ou le festival Terra Incognita, si on veut, la semaine dernière. Ils ont débuté avec ça, là, ça a commencé en boom, avec donc tiré de leur second album, ça vient d'être remasterisé. C'était à l'époque en 76. Alors la pièce Knenet Bedrar. It's not what it seems. Donc, c'est ce que ça signifie en anglais. On y va tout de suite avec Kaipa, donc, pour terminer l'émission. Stora ord som bördig ljud. Jason static at oss Vi vaknar och ser Mer klart vad som sker Gods of Utyshe, att kunna veta vill jag oss bäst. Men som oftast bara ser i trånga perspektiv, där den egna lilla skaran är dess frontmotiv. Men utåt sett så talar de om jämlikhet, som värjer sig är alltid svag. När höga herrar kontrollerar rätt och lag, en hjälplös individ som myran under skon, men ändå stark i viljan och i tron. Att samhället ska byggas för dess människor och samma villkor gälla alla som där bor. Så tvivla och ifrågasätt vår överhet och lita bara på det som vi säkert vet. Ju högre de sitter,